Surprise. Tandis que je mâche des aliments invisibles, en sombrant progressivement dans un sommeil tant espéré, je sens quelque chose bouger dans mon dos. Un animal. Il y a un animal sur ce lit. Le cœur tambourinant, je réfléchis aux moyens de me débarrasser de l'intrus. Je n'ose même pas risquer un œil vers la bête, il ne faut jamais croiser le regard de l'agresseur. Cela peut déclencher l'attaque mortelle. La peur au ventre, étouffant chaque bruit, je sors des couvertures avec mille précautions, me dirigeant à béquilles feutrées vers la cuisine, où je fouille sans bruit dans le tiroir pour me saisir d'un long couteau effilé ainsi que d'une lampe torche. Le plan est simple. J'ouvre la fenêtre en grand et j'allume d'un coup, surprenant la bête. Si elle ne détale pas, qu'elle me paraît dangereuse, agressive, je frappe, frappe, frappe. J'ai déjà vu plusieurs fois des sangliers dans mon jardin. Ils étaient là avant moi. Lorsqu'ils s'affolent, ça peut faire des dégâts, matériels et humains. Quand je retourne vers la chambre, le poignard étranglé dans mon poing, la lune m'accompagne par l'intermittence des fenêtres, dans toute la maison, projetant mon ombre gigantesque de tueur sur les murs. J'ouvre la porte qui grince légèrement, puis la fenêtre. Je retiens ma respiration comme pour avaler le bruit, et je m'approche de la bête. Debout sur une jambe, le couteau brandi bien haut, je bloque mes poumons, raidissant tous mes muscles. Puis j'allume brusquement ma torche. La bête est humaine. Un visage. Lila. Lila. Je laisse tomber mon couteau et m'assieds pesamment sur le lit, prêt à défaillir d'une peur rétrospective. Redit-elle. C'est toi, Miloche. Oui, c'est moi. Tu m'as fait peur. Je t'ai prise pour un sanglier. Merci. Et je ne m'attendais pas à te trouver ici. Excuse-moi, j'étais crevé. Je suis allé m'étendre quelques minutes. Je crois que je me suis endormi. Laisse-moi le temps de me réveiller, je m'en vais. Non, non, reste là, je vais dormir sur le canapé. Reste avec moi un peu. Pas longtemps. D'accord. Je me couche auprès d'elle. Lila est habillée, mais moi je me sens un peu nu en pyjama. Oui, comme ça, me dit-elle. Rapproche-toi, j'ai froid. Prends-moi dans tes bras. Je m'exécute, parfaitement gauche, la main tremblante. Caresse-moi les cheveux, rajoute Lila. Ma grand-mère me faisait toujours ça pour m'endormir. J'obéis à nouveau. Ses courts cheveux sentent bon le shampoing et le miel. Plus doucement. Je suis pas un labrador. Pardon. Comme ça, ça va mieux? Oui. C'est très bien. Nous restons quelques minutes dans cette position. Je suis raide comme un piqué. Encombré par ce corps dont je ne sais que faire. Je sens le souffle chaud et profond de Lila sur mon cou. Je crois qu'elle s'est rendormie. Petit à petit, je me détends, continuant à plonger mes doigts dans ses cheveux, me délectant de leur odeur sucrée qui me réchauffe le cœur. Je suis attaché à cette fille, très attaché. Je ne veux pas me prononcer de façon certaine, mais je crois que je suis... Enfin, vous voyez? Et elle? Ah, bien sûr, je n'ai toujours aucune réponse à mes questions. Je ne peux qu'observer. Je ne m'en prive pas. Je vois le visage apaisé de Lila, ses traits faiblement caressés par la lune. L'ombre du montant vertical de la fenêtre épouse les lignes de son cou délicat, de son joli menton, de sa joue, de sa belle pommette, de sa tempe pleine de douceur, et enfin de son front aux formes artistiques, pour se perdre dans ses doux cheveux. L'ombre serpente au rythme des respirations de Lila, j'en suis presque jaloux. Ayant acquis la certitude de l'assoupissement de la belle, j'enlève avec prudence sa main qui repose sur mes côtes, et je me dégage. Instinctivement, Lila se recroqueville sur elle-même. Je la couvre d'un édredon épais, puis je me remplis les yeux de son visage, avant de me diriger vers le salon. Une voix arrête ma main sur la poignée. Où tu vas ? Tu ne dors pas? Où tu vas? Et je vais dormir. Viens avec moi. Il faut que j'aille dormir un peu, Lila, il est tard. Viens ici, je te dis. Viens, Miloche. J'obéis à la belle, bien sûr. Une fois sur la couche, Lila ne parle plus. Elle ne me demande plus de lui caresser les cheveux. Elle roule sûrement en silence. et Lila me fait entrevoir les choses de l'amour.